ce soir, je veux parler de communication. Le phénomène de communication, c'est un phénomène qui est d'extrême importance dans l'évolution d'une conscience planétaire. C'est tellement important, le phénomène de communication, que ça va prendre des siècles avant que les hommes communiquent. Des siècles. Le phénomène de communication, c'est le phénomène le plus fondamental et le plus universel qui soit, à toutes les échelles de l'évolution et à toutes les échelles de la réalité dans le cosmos. Et plus l'homme évolue, plus il apprend à communiquer. Communiquer, c'est aussi important au niveau de l'esprit que nager pour un poisson. Ça fait partie du mouvement de l'esprit, communiquer. Autant que nager dans un médium solide comme l'eau, ou liquide comme l'eau, est important au corps matériel, autant communiquer, c'est important pour l'esprit. Et la relation entre l'esprit et la communication est d'autant plus importante que tout dans l'univers est fondé sur la perfection de cette relation-là. Et ce qui rend difficile la communication dans les différentes étapes d'évolution entre les différentes races, sans parler de la situation de l'homme sur le globe terrestre, c'est dû à plusieurs faits. D'abord, c'est dû au fait qu'on n'est pas capable de communiquer par télépathie. Deuxièmement, c'est dû au fait que nos émotions bloquent la nature profonde de notre esprit, de sorte qu'on ne connaît pas la nature profonde de notre esprit. Et comme on ne connaît pas la nature profonde de notre esprit, on est incapable de soulager notre personnalité avec l'énergie de l'esprit qui sert à communiquer entre les hommes. Et en plus de ça, il y a le facteur de conversion de la vérité et du mensonge. Le facteur de conversion de la vérité et du mensonge est un facteur qui est extrêmement important parce que l'homme est incapable de faire la conversion instantanée du mensonge vers la vérité ou de la vérité vers le mensonge tant qu'il possède, à quelque niveau que ce soit, tant qu'il possède un attachement à la forme. Alors, l'attachement à la forme que possède l'homme, c'est l'attachement à tout le matériel qui est véhiculé dans son expérience et qui lui vient dans son expérience à l'attention, c'est-à-dire le matériel qui est saisi par son intelligence, qui est perçu par son corps astral et qui tend à être soulagé, c'est-à-dire totalement déterminé par son intelligence pure, la conscience supramentale. Et la conversion d'un matériel de communication, c'est difficile parce que l'homme ne sait pas se soustraire intelligemment, précisément, instantanément du facteur de vérité ou du facteur de mensonge. Ce qui empêche les hommes de communiquer sur la planète Terre, c'est que les hommes sont attachés à la vérité et au mensonge. Et ces deux formes de polarisées de la réalité qui conviennent à la nature de l'homme, qui conviennent à son émotivité et à son intellect, sont tellement puissantes que on peut dire, avec suffisamment de précision, que pour qu'un homme puisse communiquer sur un plan matériel ou sur un autre plan, il doit être suffisamment désengagé de l'énergie de son intellect et de son émotion pour laisser passer la vérité ou le mensonge sans que lui ne soit affecté par ce passage-là. C'est ça qui est le plus difficile pour les hommes. Les Russes, aujourd'hui, avec leur dialectique, avec leur matérialisme dialectique, avec leur idéologie, avec leur façon de voir les choses, avec leur façon de voir l'évolution de la planète Terre, ont raison. Les Américains, avec leur capitalisme pragmatique, ont aussi raison. De sorte que vous avez deux grandes puissances mondiales qui ont toutes les deux raisons et qui ne peuvent pas communiquer. Au niveau des, ça c'est au niveau de la politique, au niveau des religions, vous avez la même chose. Vous avez des conflits entre les Arabes et les chrétiens, entre les juifs et les chrétiens. Les bouddhistes, eux autres, sont plus au large de cette dialectique. Mais entre les Arabes, la religion mahomédane, la religion chrétienne et la religion bouddhiste, c'est-à-dire juive, il y a énormément de tensions, énormément de polarités parce que les hommes ne savent pas communiquer. Et le point que je veux faire ce soir concernant la communication, c'est un point que l'on, moi, je peux vous en parler, je peux vous l'expliquer, et ainsi de suite. Mais c'est un point que l'on réalise au fur et à mesure que l'on devient de plus en plus intelligent. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que l'on réalise que la seule chose qui importe dans la vie, c'est la capacité de convertir l'énergie d'une polarité envers une autre. Un homme qui a la capacité de convertir l'énergie négative en énergie positive ou de convertir l'énergie positive en énergie négative n'est jamais piégé par la polarité de l'énergie. Il pourra toujours se servir de l'énergie à sa façon pour remplir un rôle quelconque de son intelligence qui est d'ordre universel, de sorte que lui, subjectivement, au niveau de sa personnalité, ne sera jamais affecté par le phénomène de conversion. Mais convertir l'énergie, convertir le positif en négatif et le négatif en positif, c'est pas facile. Parce que ce qui tient, ce qui permet à l'homme de retenir plus de négatif que de positif en lui, c'est sa nature animale, son corps astral, son corps émotionnel. Ce qui permet à l'homme d'aller plus vers l'énergie positive, c'est son corps mental. Et ce qui permet à l'homme de convertir les deux, c'est son corps supramental, la conscience supramentale. Je dis souvent que c'est le problème de l'homme, c'est pas son intellect, c'est son émotion. Et ça, c'est très réel. Et le phénomène de conversion de l'énergie positive en énergie négative, à tous les niveaux, parce que quand je parle d'énergie négative ou positive, je parle à tous les niveaux de la réalité, jusque dans les fonds extrêmement avancés ou poussés de cette polarité qui, au niveau du mental, devient le vrai ou le faux. Et ce qui est difficile pour l'homme rendu dans les grandes étapes de la révolution de la conscience supramentale, révolution qui lui permet de synthétiser instantanément le réel pour s'octroyer sur le plan matériel ou sur les plans inférieurs d'une certaine énergie qui lui permet de se nourrir au niveau mental ou au niveau émotionnel, il est obligé de se défaire de ses habitudes. C'est-à-dire de se défaire de ses habitudes anciennes de communication par langage. On est habitué à communiquer par langage. Et l'homme doit en arriver à cesser de communiquer par langage parce que on ne peut pas communiquer par langage. C'est impossible de communiquer par langage. On ne peut communiquer que par vibration, c'est-à-dire qu'on ne peut communiquer que selon une façon à nous qui est précisément supramentale, selon une façon à nous qui nous permet de convertir l'énergie positive et l'énergie négative instantanément pour le bénéfice de l'autre et jamais le bénéfice de soi. Un homme qui est suffisamment dans la conscience supramentale sera capable de convertir l'énergie négative en énergie positive pour le bénéfice d'une personne qui a besoin d'énergie positive ou de convertir l'énergie positive en énergie négative pour une personne qui a besoin d'énergie négative. S'il n'est pas capable de convertir cette énergie-là pour l'autre, pour le bénéfice de l'autre, automatiquement il est attaché à la forme de cette conversion et automatiquement il voudra retenir en lui-même soit l'énergie positive ou l'énergie négative. Et l'on ne retient jamais l'énergie positive ou l'énergie négative pour soi-même. Parce que ça revient à avoir raison. Et ça, c'est la grande marque, c'est la grande faiblesse, c'est la grande caractéristique de la communication planétaire. C'est la grande faiblesse entre les hommes. C'est ce qui a divisé les nations, c'est ce qui a divisé les hommes, et c'est ce qui divisera les hommes jusqu'à temps que les hommes entrent en contact avec des civilisations extraterrestres qui seront tellement fortes comme expérience qu'automatiquement le langage humain sera transcendé, pas sur le plan des mots, mais sur le plan de la vibration et de l'esprit des mots. Parce que déjà, les hommes seront obligés de voir et de revoir et de prendre conscience qu'il existe dans le cosmos des êtres plus intelligents que eux. Et cette expérience-là permettra à l'homme de cesser, une fois pour toutes, d'imposer à l'homme la mécanique de sa rationalisation pour commencer à prendre du recul sur une position que lui croit comme étant raisonnable pour en envisager une autre qui lui sera imposée par la froideur même de l'intelligence extrêmement avancée de ces êtres qui viennent d'autres mondes. Mais ça, c'est pour demain. Mais en ce qui concerne l'homme, en ce qui concerne l'individu, en ce qui concerne l'homme qui va vers la conscience supramentale, qui ne connaît pas son destin, qui ne sait pas si un jour il va mourir ou si un jour il ne mourra pas, en ce qui a la potentialité éventuellement de contrôler la matière de son corps matériel, en ce qui concerne l'homme qui a éventuellement la capacité vibratoire de transcender la vibration planétaire de ses corps, c'est très important de comprendre le phénomène de la communication. Parce que la communication, une fois comprise, permettra aux hommes qui la comprennent, cette communication, de ne plus travailler. La fonction de communiquer ou d'apprendre à communiquer dans le cosmos, au large ou sur une planète quelconque, c'est de faciliter le passage de l'énergie. C'est la fonction de la communication. La fonction de la communication dans le cosmos, c'est de faciliter le passage de l'énergie, rien d'autre. Mais pour qu'un homme puisse canaliser et faciliter le passage de l'énergie, il ne peut pas, lui, en tant qu'homme, être attaché à la polarité de l'énergie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être attaché à la polarité négative ou positive de l'énergie. Il ne peut que se servir de cette énergie-là pour l'autre homme. Mais pour qu'il se serve d'une vibration ou d'une énergie négative pour l'autre homme ou d'une énergie positive pour l'autre homme, lui-même, il doit être totalement dehors des deux. C'est-à-dire qu'il doit être neutre, c'est-à-dire que son émotivité et sa mentalité doivent être totalement subordonnées à l'énergie de la conscience supramentale en lui, c'est-à-dire qu'il doit avoir une intelligence suffisante pour pouvoir se regarder en face et se savoir parfait dans son intelligence. S'il n'est pas capable de se savoir parfait dans son intelligence, automatiquement, il y aura une partie de cette énergie qu'il ne pourra pas assumer et il y aura en lui automatiquement au niveau de la communication une erreur psychologique et automatiquement il sera de plus en plus difficile pour lui d'établir des relations égalitaires entre les hommes. Et les relations égalitaires entre les hommes doivent être établies sur une base vibratoire et non sur une base psychologique. Lorsque les hommes apprendront à communiquer et sauront comment communiquer, ils réaliseront que dans la communication, l'homme n'est jamais impliqué. Que dans la communication, l'homme n'est jamais impliqué. Et c'est le fait que l'homme n'est jamais impliqué dans la communication qui permet à l'homme de canaliser l'énergie de la conscience universelle et d'amener cette énergie sur un plan d'expérience inférieure permettant à l'homme, sur un globe matériel ou sur un globe invisible, d'orienter sa vie matérielle ou sa vie invisible en relation avec les lois de l'inertie de l'intelligence. Et dans l'intelligence, dans le cosmos de l'intelligence, il y a des lois d'inertie comme il y a dans le monde de la matière des lois d'inertie. Alors, lorsque l'homme dans la matière est obligé de vaincre les lois d'inertie, il est obligé de donner une force suffisamment grande au début, au départ, contre une masse pour lui donner un mouvement quelconque. Ensuite, une fois que le mouvement a été engendré, à ce moment-là, la masse peut continuer sans qu'il y ait nécessité d'une trop grande dépense d'énergie. Au niveau de la communication, c'est la même chose. Et là, je vais vous indiquer un point concret que vous pourrez comprendre concernant les lois de l'inertie de l'intelligence. Et j'aimerais que tout le monde écoute ça, même toi, parce que c'est bien important, ça. Ensuite, je ne pourrai plus revenir dessus. Je vous donne un exemple graphique pour vous faire comprendre là où il y a inertie de l'intelligence. Et vous allez voir que dans toutes vos expériences, vous l'avez vécu, et que dans vos expériences de l'avenir, vous le vivrez. Et un jour, dans un temps où vous serez suffisamment dans cette vibration du mental, vous pourrez vaincre, presque à volonté, cette inertie de l'intelligence. Jusqu'où vous pouvez vaincre l'inertie de l'intelligence, je ne peux pas vous le dire parce que ça fait partie de la vibration de chacun. Je sais bien que moi-même, de temps à autre, j'ai de la difficulté à vaincre l'inertie de l'intelligence, mais ça, c'est parce que il y a des facteurs d'intelligence à l'intérieur de certaines actions qui font partie de l'expérience d'autres personnes vis-à-vis de moi-même. Alors, je suis empêché de vaincre cette inertie. Mais pour vous, n'étant pas sur cette même loi, vous êtes capable de la vaincre, cette inertie de l'intelligence. Alors, pour expliquer cette inertie de l'intelligence, je vous donne des exemples. Vous avez certainement vécu des expériences avec des gens où dans votre langage humain, vous dites vous n'avez pas les vibrations. Vous n'avez pas le goût. C'est plus fort que vous. Vous êtes en maudit contre lui, vous n'êtes pas capable de vous empêcher de l'être. Vous n'êtes pas capable de... Même si vous savez que vous avez raison, le point n'est pas là. Ou même si vous savez qu'il y a raison, le point n'est pas là. C'est juste que vous n'êtes pas capable de... Vous n'êtes pas capable de passer d'un état d'esprit où la personne a fait une chose qui a changé vos vibrations à un autre état d'esprit où vous coupez complètement cette vibration-là, vous la tuez. Puis vous faites comme si il n'y avait rien eu avant. Comprenez-vous ce que je veux dire? Hein? C'est... Ça fait mal. Bon, dans le langage inconscient, on aurait tendance à dire, j'en ai-tu de l'ego? Parce que quand on est dans l'ego et qu'on est inconscient, on comprend pas le mécanisme. On aurait tendance à dire, j'en ai-tu un maudit ego? Je suis orgueilleux. Et dans le fond, c'est pas ça qui se passe. Quand on rentre dans la conscience et qu'on commence à vivre l'inertie de l'intelligence, on s'aperçoit que c'est malgré nous autres, on n'est pas capable. On n'est pas capable, quand même, tu voudrais pas être en maudit contre ta femme. Tu l'aimes bien gros. T'es pas capable, tu voudrais l'envoyer chier. Voilà, t'es pas capable. Alors, l'inertie de l'intelligence, c'est une force. C'est une force qui nous impose sa volonté quand on la connaît pas. Quand on n'en connaît pas les mécanismes. Laissez-moi vous dire qu'elle peut être forte en maudit, cette volonté-là. Et plus la fusion est grande, plus elle peut être forte, cette inertie-là. Et c'est cette inertie qui crée des chocs vibratoires entre les âmes. Alors, ça fait partie du jeu de l'intelligence. Ça fait partie du jeu de l'esprit. Mais les hommes, un jour, doivent se servir de l'énergie de l'intelligence et ne plus être asservi par l'intelligence, ne plus être asservi par les lois de l'esprit. Mais pour que l'homme en arrive un jour à contrôler cette maudite énergie, qui est une inertie, qui est inerte, ça prend énormément de volonté, et ça prend énormément de volonté, mais une volonté bien particulière. Ça prend une volonté, et c'est là, c'est la première fois depuis que j'ai commencé à parler de conférence, là, que je vais commencer à vous expliquer qu'est-ce que c'est de l'amour. C'est seulement quand l'homme est rendu à réaliser l'inertie de l'intelligence qu'il peut commencer à vivre, à une petite échelle, de l'énergie de l'amour. Si tu es en maudit contre ton mari, pour des bonnes raisons raisonnables, tu es en maudit contre lui, là, puis il a changé tes vibrations. Si tu n'es pas capable de neutraliser cette énergie-là, cette inertie-là, tu ne peux pas canaliser vers lui de l'énergie de l'amour. Parce que parlez-moi pas que vous êtes en amour. Ça, c'est la crise de conneries. Je parle de l'amour. L'amour cosmique, là, à un petit niveau, là. Si vous n'êtes pas capable de briser l'inertie de l'intelligence, vous ne pouvez pas commencer à canaliser l'énergie du principe de l'amour cosmique. C'est bon. C'est seulement là, à ce point-là, que vous pouvez venir me voir et me parler d'amour. Parce que si vous me parlez de l'amour avant ça, je vais vous retourner de bord. Parce que c'est pas de l'amour, c'est du sentiment. Mais moi, là, je parle de l'amour, qui est une énergie. Et un homme ne peut pas vivre, un homme ne peut pas canaliser cette énergie de l'amour tant qu'il n'est pas capable de vaincre l'inertie de l'intelligence. Puis vous allez voir que, parce que quand je parle de quelque chose, ça devient pire, vous allez voir que... C'est pas facile aimer. Vous allez voir que c'est pas facile aimer. Parce que quand on aime jamais pour soi. C'est toujours pour l'autre. Fait que ton mari, t'es en maudit parce qu'il a cassé ta vaisselle. Si t'es pas capable de vaincre l'inertie de l'intelligence, tu tu restes dans ton égo vis-à-vis de la vaisselle. T'es accroché à une forme quelconque. Fait que tu peux pas aimer ton meilleur. Parce qu'à ce moment-là, tu te fais prendre dans le jeu de l'intelligence. Et tu retombes sous les lois planétaires. Tu n'es pas dans la conscience cosmique parfaitement. Pour être dans la conscience cosmique parfaitement, il faut que tu puisses voir ton mari, ta femme, ton chum, n'importe qui. Ceux qui ont droit à cette énergie-là. Il faut que tu puisses voir ces êtres-là en relation avec ta capacité de détruire l'inertie de ton intelligence. Parce qu'il y a toujours un mécanisme bien subtil quand on aime. Il y a des gens, regarde ça, c'est subtil. Il y a des gens qui sont mariés depuis des années de temps, des chums, des blondes, des maris. Puis de temps en temps, ils chicanent. Puis quand ils chicanent, là, ils chicanent, ça brasse, là. Puis après ça, là, ça leur a donné un nouveau feu, puis là, ils sont en amour. C'est comme si les hommes sont obligés de chicaner de temps en temps pour s'aimer. Mais ça, ça tombe. Après ça, ils chicanent encore. Puis ça tombe. Puis ils chicanent, puis ça tombe. C'est pour ça que dans l'amour humain, il y a toujours des engueulades, parce qu'après l'engueulade, là, on s'embrasse, on se mignonne. Ça dure 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, puis ça commence encore. Il y a des gens qui font ça toute leur vie, puis c'est très normal pour eux autres de chicaner. C'est pour ça qu'il y a des gens qui comprennent pas ça, que tu puisses vivre dans un couple et jamais te chicaner. Ça, ils dépassent complètement. Ils ont une vie bien pire. Parce que les autres savent qu'en chicanant, après ça, ils s'aiment, puis tout le reste. Bien. Mais quand tu rentres dans la conscience supramentale, là, c'est un autre pays de monde. Tu peux plus t'aimer comme avant. Parce que t'es plus astral comme avant. Fait que les minouches, ça te mène pas grand, bien loin. Ça te mène, quand t'es dans une certaine relation, mais tu peux pas éventuellement toujours te servir des minouches, parce que t'es rendu trop mental. Fait qu'à ce moment-là, quand tu veux aimer une personne, quand tu veux faire une preuve d'amour à une personne, tu ne peux pas faire de preuve d'amour à cette personne-là pour qu'elle le sache. Fait qu'elle saura jamais que tu l'aimes. En relation avec ton effort à toi. Toi, tu vas avoir été en maudit contre elle. Puis t'es obligé de faire un combat intérieur pour détruire cette crise de vibration-là qui veut pas, qui t'empêche d'y parler à elle. C'est trop comme un mur, là. Faut que toi, là, tu la mettes à terre, cette vibration-là. Puis après ça, elle s'en aperçoit pas. Elle s'en aperçoit pas parce qu'elle est pas dans ta même situation de vie intérieure. Elle s'en apercevrait si tu fonctionnerais psychologiquement. Mais quand tu viens de briser ce mur-là, vaincre cette inertie-là, puis au lieu de dire, étant maudit, tu dis, tu me passerais-tu mes cigarettes, s'il te plaît? Oh, sacrement que c'est dur. Ça, c'est dur pour l'ego. Ça, c'est dur, Charlie. Je vous mets toute la gang à défi. Toute la gang. Moi, à soir, elle a me retardé d'une demi-heure. Puis moi, j'aime pas ça être retardé. Moi, quand je passe, je suis une énergie. Fait que tu me regardes, tu me retardes, je souffre. 45 minutes, une demi-heure, elle arrive à pas. J'étais vieux à la maison. Là, je te prends mon char pour aller la chercher. Se quitte à se rencontrer sur la route, laisser mon char là pendant 15 jours. Rentrer dans le char. Puis elle est dans sa vibration, moi, je suis dans ma vibration. Puis elle dit, j'ai comment est-ce qu'elle met ça? Elle dit, j'ai glissé sa route. Tu sais, sa petite voix, j'ai glissé sa route. Puis moi, en dedans, je lui ai dit, tabarnak, t'es toujours en retard quand j'ai apporté que tu pars m'en va à Québec. Fait qu'elle sait, j'ai glissé sa route. Fait que moi, pour détruire l'inertie, j'ai dit, faut que tu fasses attention. Là, c'est pas que j'en parle, là, Ali. C'est ça qui t'est arrivé. Puis c'est toujours la même chose. Fait que plus t'es dans l'énergie, plus tu fonctionnes avec l'énergie, t'es comme un train. Puis après ça, faut que tu changes de peau pour que tu deviennes comme un wagon. Ça, c'est top. C'est ça, l'amour cosmique. Puis c'est ce qui est le plus dur parmi les hommes. c'est pour ça que les hommes ne peuvent pas communiquer sur la planète Terre. Les hommes ne peuvent pas travailler ensemble sur la planète Terre. Les hommes, c'est pour ça que d'ailleurs que les hommes sont obligés de travailler sur la planète Terre. Puis quand les hommes comprendront ça, les hommes ne travailleront plus sur la planète Terre. Ils travailleront, mais ils travailleront avec tellement de plaisir que ça s'appelle travail. Que t'as-tu bien là? C'est moins dur ce que tu dis que la souffrance de la haine. C'est bien moins dur pour venir à de la haine, de la rancune, puis l'égalité de la vengeance. Ben, moi, c'est difficile. Quand tu changes de bord, là. La haine puis la rancune, ça fait partie de l'inertie de l'intelligent. Ouais. Fait que c'est pour vous montrer comment est-ce que c'est fort, l'inertie de l'intelligent. La haine, là, puis la rancune, là, c'est comme si cette énergie-là, là, était tellement dense, là, qu'elle descend du plan mental, puis elle se loge dans le plan, au niveau du corps astral. Puis moi, je l'ai vécu, moi. Cette haine-là, là, pas en relation avec les hommes, mais en relation avec les forces, je l'ai vécu un jour, moi, quand j'étais à Laval, j'ai déjà conté ça à quelqu'un, à du monde. Puis j'ai crié, j'étais tellement enragé, là, que quand j'ai crié, là, il y a un boulet de canon qui est sorti de mon plexus solaire, qui a passé à travers le champ. Puis il était solide. Pouf, la main. Autrement dit, cette inertie-là de l'intelligence. Puis quand j'ai réussi à faire sortir ce boulet de canon-là de mon corps, là, après ça, là, j'ai respiré. La haine, c'est l'inertie, la grande inertie de l'intelligence. C'est pour ça que quand je parle d'intelligence, moi je parle pas d'intelligence comme les gens ou les philosophes ou les mystiques parlent d'intelligence. L'intelligence, c'est une énergie qui est totalement en dehors de la polarité. Mais quand elle commence à être polarisée, puis elle est polarisée à cause de notre corps émotionnel puis de notre intellect, il vient un temps que la polarité est tellement forte qu'elle nous rend esclaves d'elle. Et l'homme ne doit pas être esclave de l'intelligence. Jamais. L'homme qui est esclave de l'intelligence, il va passer une maudite initiation. S'il est inconscient, il va souffrir, comme la haine de la patente que tu parles. Ou s'il est conscient, puis il se conscientise, puis qu'il est esclave de cette énergie-là, il va passer une initiation. Puis c'est quoi de l'initiation, c'est ça? L'initiation, c'est le combat entre l'homme et l'inertie de l'intelligence. C'est ça, l'initiation. C'est le combat entre l'homme et l'inertie de l'intelligence. Une initiation. Il y a un certain moment, il faut que l'homme en arrive à être capable d'être suffisamment intelligent pour détruire l'inertie de l'intelligence. Là, je vais en parler. Là. Qu'est-ce que ça veut dire être intelligent? Être intelligent, ça c'est tough en maudant. Ça c'est intéressant cette conversation-là, soir. Il y a bien des retombées là-dedans. Être intelligent, ça veut dire réaliser 100% d'une façon absolue que la personne avec laquelle tu vis cette inertie-là n'est jamais responsable de l'action qui fait que ça crée en toi cette inertie-là. Ça veut dire que ton mari n'est jamais responsable, puis toi tu ne l'es jamais, Charles. Si tu penses le moindrement que ton mari est responsable ou que toi t'es responsable, aussitôt tu vis de l'inertie d'intelligence. C'est ça qui crée la souffrance entre les hommes. Si t'es pas capable de réaliser, puis ça c'est vibratoire, ça fait partie de l'intelligence. Si t'es pas capable encore de regarder ton mari là, puis de l'exculper de tout, t'es dans l'inertie d'intelligence. Si t'es pas capable de voir ta femme puis de l'exculper de tout, même ça cause ta pipe, c'est l'inertie d'intelligence. Parce qu'elle a cassé ta pipe, parce que c'est ces écœurants-là en haut qui l'ont fait vibrer pour qu'elle cause ta pipe. On est subjugué, absolument. Absolument, on est subjugué. On est des crises de yo-yo. Là, on devient un petit peu plus intelligent. Mais on est des yo-yo à un point tel, que si vous le saviez, vous en seriez révolté. Je suis sûr qu'il y en a qui sont déjà révoltés. C'est parce qu'aussitôt que tu t'en rends compte, c'est une chose. Quand tu t'en rends compte, c'est une chose. Mais t'es pas encore dedans. Parce que pour détruire l'inertie de l'intelligence, il faut être bien pour détruire parfaitement l'inertie d'intelligence, il faut avoir souffrir de ces chiens-là en haut. Puis réaliser que ces chiens-là en haut, ils font une job qui est importante, mais que nous autres sites, on est aussi importants qu'eux autres. Puis que nous autres sites, nos maris, nos blondes, nos amis, là, qui sont utilisés à cause de leur corps, par ces chiens-là en haut, pour leur évolution, à un certain moment, faut que nos amis, puis nos femmes, puis nos relations humaines ne souffrent plus d'eux autres en haut. Fait que c'est pas une affaire de constater un aspect du réel. C'est une affaire, c'est phénoménal. Ça, c'est définitivement une phénoménalisation de la communication sur la Terre, et c'est ce qui est probablement de plus dur. D'ailleurs, entre les individus, c'est tough. Fait que, imagine-toi entre les nations. Comment est-ce que c'est? C'est pour ça que moi, je fais un travail au niveau des hommes, au niveau des individus, mais le travail au niveau des nations va être fait par les extraterrestres parce que ça prend des chocs mondiaux. Maintenant. Fait que le phénomène de la communication, c'est un phénomène extrêmement occulte. Dans ce sens que c'est un phénomène qui n'est pas compris de l'homme, qui n'a jamais été expliqué à l'homme, parce qu'il n'y a jamais d'homme qui est venu, il n'y a jamais d'hommes qui sont venus sur la Terre pour l'expliquer à l'homme, parce que c'était pas le temps. Mais c'est très important qu'aujourd'hui, l'homme connaisse les lois de la communication. Et les lois de la communication sont directement liées à les lois d'énergie. Tu peux pas passer à côté. T'es obligé éventuellement d'en arriver à pouvoir avoir des relations avec les hommes, avec lesquels t'as des relations parfaites aux dépens d'eux autres hommes. Quand je dis aux dépens d'eux autres en haut, je veux dire aux dépens d'eux autres en haut. Parce qu'eux autres en haut dépendent de nous autres, autant que nous autres, on ne doit pas dépendre d'eux autres. Là, j'ouvre un autre volet. Quand je dis qu'eux autres en haut dépendent de nous autres, je veux dire deux choses. Je veux dire que nous autres, sur le plan matériel, on est le terminus de l'énergie. Eux autres en haut sont l'origine de l'énergie. Puis le terminus de l'énergie doit servir de canal un jour pour que l'énergie parte de l'origine, qu'elle passe par le terminus, puis qu'elle remonte vers l'origine. Mais elle ne pourra jamais remonter vers l'origine tant que l'homme ne sera pas capable de vaincre l'inertie de cette intelligence, qui est due au fait que cette énergie-là, quand elle est descendue sur des plans très, très, très inférieurs, comme nos plans, est incapable de se pulser par elle-même. Elle est morte. De la haine, c'est de l'énergie morte. Le manque d'harmonie, c'est de l'énergie morte. L'absence d'amour, là où il y a absence d'amour dans la vie d'un homme vis-à-vis d'un autre homme, il y a en lui de l'énergie morte. C'est-à-dire que cette énergie-là ne peut pas retourner à l'origine. Fait qu'automatiquement, qui c'est qui est pogné avec le tas? Nous autres. Puis qu'est-ce que c'est la conséquence de ça? C'est les tensions, puis les désarguments, puis les discussions qu'on a entre nous autres, au nom de cette putain qui est une déesse, la raison. Quand tu souffres, pis qu'il y a des gens qui te voient souffrir, pis comme la belle-mère qui vient se casser une patte, pis toute la famille le sait, elle souffre pas autant. Elle est contente. Moi, il y a des belles-mères qui aiment ça se casser des pattes. Mais quand tu souffres, pis t'es tout seul, pis y a personne qui le sait, même la personne la plus proche de toi, elle sait pas que tu souffres, là, dans cette maudite énergie-là, là, pis t'es obligé de la casser, cette énergie-là, pour que elle, que l'énergie passe. Là, c'est top. C'est tellement tough qu'on n'est pas capable de le faire, même si on a la meilleure volonté au monde. Ça, c'est un autre point. Même si on a la meilleure volonté au monde, on n'est pas capable de le faire. Parce que c'est pas la bonne volonté qui permet de faire ça. C'est l'intelligence. C'est notre intelligence. Et nous autres, on vit d'intelligence au fur et à mesure qu'on a réalisé les lois de l'inertie d'intelligence. Fait que c'est encore un cercle vicieux. Fait que t'es pas dans l'intelligence tant que t'as pas vaincu ces lois-là. Pis ces lois-là sont toujours là pis t'as envie d'intelligence. Fait que c'est un service. C'est pour ça que ça prend une impulsion qui vient du langage de ce que je vous dis dans la conférence. Pour péter ça, sans ça par vous autres, vous seriez jamais capable de le faire. Ah! Tu peux jamais être dans l'attitude. Si tu tombes dans l'attitude, tu vas tomber dans des sentiments automatiquement. Faut que tu sois suffisamment dans l'intelligence pour voir que Le mensonge ou la vérité sont simplement des jeux d'esprit. Que le comportement de ta femme ou le comportement de ton mari, c'est simplement des jeux d'esprit à travers des personnalités. On n'est pas sur le plan matériel. Sur le plan matériel, dans nos corps physiques, on n'est rien. C'est pas sur le plan matériel que l'homme est. Sur le plan matériel, l'homme est en voie d'évolution. Sur le plan matériel, l'homme n'est rien. C'est dans l'éther que l'homme est réel. Puis dans l'éther, à ce moment-là, cette transaction-là avec l'énergie a été faite. C'est pour ça qu'on est là. Pourquoi est-ce qu'on va être dans l'éther? Parce qu'on va avoir vécu cette transaction-là. Ceux qui vont avoir vécu cette transaction-là vont automatiquement dans l'éther. Ils n'ont pas le choix. Tu peux pas aller à côté. Il n'y a qu'une place à aller. Et ceux qui n'ont pas vécu cette transaction-là avec l'énergie, automatiquement restent, demeurent prisonniers du corps matériel et éventuellement doivent mourir. C'est pour ça que ces lois-là doivent être expliquées à l'homme. C'est pas sur le plan matériel qu'on est conscient. On n'est rien. Sur le plan matériel, on est plus ou moins capable de corriger l'inertie de l'intelligence. Moi, j'en suis probablement un meilleur exemple. Moi, le plus ou moins, là, je suis capable de corriger l'inertie de l'intelligence. Je suis capable de rider pas mal entre deux tracks, là, puis aller pas mal ce que je veux, tu sais. Mais faut que j'ai watch en enfant de chien, eux autres en haut. Parce qu'aussitôt qu'ils ont une chance, là. Moi, pour être bien, puis pas prendre de chance, il faudrait que je sois chez nous, puis je sorte jamais de ma maison. Puis encore, le toit pourrait me tomber sur la tête. Tu sais, il y a tout que tu vois. Fait que. Seulement, éventuellement, tu développes une résistance. Tu développes l'intelligence. De l'intelligence. Et on doit développer une intelligence de l'intelligence. C'est pas rien de la fête de la communication avec eux autres. La communication avec eux autres, c'est du bullshit. La communication avec eux autres, c'est de la pure bullshit. Ça, c'est simplement pour nous faire réaliser qu'ils sont là puis nous autres, on existe. C'est la seule raison pourquoi ça existe. On n'a même pas besoin de communiquer avec eux autres. Mais on est obligé de communiquer avec eux autres avant pour en arriver à pas avoir besoin de communiquer avec eux autres. Dans ça, il n'y a pas de conscience. Fait que les hommes qui sont inconscients communiquent pas avec eux autres, ils n'ont pas de conscience. Ils sont inconscients. Après ça, nous autres, on communique avec eux autres, puis on pense à la fin du monde. Comprends-tu? Dans le fond, c'est la fin de notre monde. Pour en arriver éventuellement à plus avoir besoin de communiquer. On n'a plus besoin de communiquer avec eux autres. On n'a pas besoin de communiquer avec eux autres. Mais quand je dis ça, je veux pas dire que. Quand je dis qu'on n'a pas besoin de communiquer avec eux autres, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de communiquer avec eux autres. Je veux pas dire que c'est pas le fun de communiquer avec eux autres. Moi, j'aime ça, communiquer avec eux autres, parler avec eux autres, tant qu'à parler, comme du monde, tu veux parler avec quelqu'un ou des intelligences qui sont comme du monde. Bon, c'est le fun de parler avec eux autres. Mais quand ils te font pas chier. Hey, moi, je suis fusionné. Je vais dire que c'est qui arrive pas, Chris, parce que je t'en maudis, là. 20 minutes, tu sautes. Tu penses qu'ils vont me répondre? Ils me répondent pas. Ils me coupent les cordons. Ils me parlent pas en tout. J'ai dit, mangez donc de la merde! Puis sais-tu quand, hey, c'est ce que c'est que je dis? Quand ça va bien, nous deux, là, parce que ça me prend quelques temps pour me retasser, mais après ça, quand on commence à communiquer. J'ai dit, quand est-ce que vous allez me parler? Vous allez m'aider tout le temps. T'sais, s'il arrive quelque chose, qu'il y a un accident, que je sache qu'il y a un accident. Au lieu de vous baiser le cul, vous autres, en haut. Il dit pas avant 84. Je suis fusionné. Ça fait 11. Comment ça fait tant? 69 à 84, ça fait quasiment 15 ans. Pour en arriver que c'est que eux autres me servent. Qu'eux autres me servent. 15 ans. Là, il y en a qui vont se dire, mais Chris, ça prend 15 ans. Lui, comment ça va te prendre quelques années? Ça marche pas de même. Ça marche pas de main. Parce que moi, quand ils vont me servir, moi, je vais servir tout le monde. Fait que c'est pour ça que c'est une question qui marche pas. Moi, quand ils vont me servir, eux autres, moi, je vais servir tout le monde parce que je vais canaliser l'énergie. Mais t'es obligé d'attendre, puis d'attendre, puis d'attendre, puis d'attendre, puis d'attendre. Plus tu concentres, plus tu as besoin du mouvement. Il faut toujours que l'énergie soit en mouvement. Moi, je fais ça comme quoi. Quand tu as une question de masse d'énergie, elle est comme arrêtée, là, ça fait que tu es parce que vous, tu es en mouvement. là, pour que ta chambre de pas laisser jusqu'à 9. Quoi? Puis là, t'arrêtes de souffrir. Puis quoi? Finalement, peu importe si tu parles dans deux individus, mais tu te passes quelque chose. Quoi? Ouais. Mais je veux rester au niveau de la communication. Le même principe, mais au niveau de la communication, ça. Sans ça, je vais me parler. Parce que je veux réellement l'approfondir, cette affaire-là. Mais ça revient au même principe que tu dis. La communication entre deux êtres, c'est pas seulement de la communication. C'est un échange de force vitale. Puis deux êtres qui sont en communication, qui sont en relation vibratoire harmonieuse, échangent énormément de force vitale, puis bien plus que vous pensez. Au niveau du mental, d'émotionnel, du physique, du corps vital. Il y a un passage d'énergie extraordinaire qui se passe. Deux êtres là, qui sont totalement harmonisés, là, ils peuvent vivre ensemble, seuls, sans personne d'autre. Puis se nourrir, puis se nourrir, puis se nourrir, puis se nourrir. C'est extraordinaire ce que ça veut dire. Mais, on n'est pas capable de maintenir cette relation-là entre deux êtres tout le temps. Parce que les lois de la communication, les lois de l'intelligence, sont des lois qui font que l'homme doit subir constamment de plus en plus de cette densité-là. Quand tu es inconscient, tu ne le réalises pas. Quand tu te conscientises, tu commences à le réaliser, puis tu te conscientises encore plus, tu commences à le réaliser. Puis éventuellement, tu commences à le réaliser, ce maudit blocage-là, là, qui te bloque, puis qui t'empêche de canaliser l'énergie envers ton mari ou ta femme parce qu'il y a une situation qui vient d'arriver. Puis c'est comme ça que les ajusteurs de pensée élèvent nos vibrations. Ils élèvent nos vibrations en rendant l'intelligence extrêmement dense, parce qu'en rendant l'intelligence très dense entre nous autres, ça nous survole, nous autres. On vient en maudit. Ça fait descendre notre volonté, ça développe notre intelligence, mais ça reste toujours entre notre volonté et l'intelligence, volonté et l'intelligence, volonté et l'intelligence. Et éventuellement, il faut que ça passe de la volonté à l'intelligence, ça fait une fois que j'en parle à soi, à l'amour. Le développement de la relation entre la volonté et l'intelligence. On commence à comprendre qu'est-ce que c'est. Mais ensuite, il faut que ça aille plus loin, parce qu'on a trois principes en nous autres. Volonté, intelligence et l'amour. Éventuellement, il faut qu'on puisse canaliser cette énergie-là pour que l'énergie de l'amour aussi passe en nous autres. Puis ça, c'est le dernier des principes d'énergie qui passe à travers nous autres, celui de l'amour. L'intelligence commence, la volonté commence. Et le dernier, c'est l'amour, puis c'est le plus difficile, parce que c'est celui qui requiert le plus d'intelligence. Faut être bien intelligent pour aimer. C'est-à-dire qu'il faut être très détaché de notre ego pour aimer. Si t'es pas détaché de ton ego, si t'es moindrement astral, si t'es moindrement égocentrique, tu ne peux pas aimer, c'est impossible, parce que tu pourras jamais débloquer cette énergie-là. Tu ne pourras jamais vaincre l'inertie de cette intelligence-là. Puis pour nous autres, c'est parce qu'on a été accaparés pendant des siècles de temps. On a été accaparés pendant des siècles de temps à la maudite conception d'avoir raison. Puis ce qui est pire, c'est que tu vas avoir raison, pis ces chiens-là, ils vont te donner raison. Fait que là, t'es encore bien plus fourré, parce que si t'as raison tout seul, mais t'as raison tout seul. Pis d'un coup, ils vont te dire, ton mari, il faut qu'il apprenne telle chose. Ou ta femme, il faut qu'elle apprenne telle chose. Moi, je dis, mange donc de la merde, Chris.